plongé dans la mer. J'en sors, je suis naufragé. Et c'est délit ta mère si elle fait mal qu'elle se tue cachée. J'aimais pas que ma graine de café. Toute la ville t'en veut pour ton qu'est-ce t'as fait. J'ai pas compté le mal qu'on m'a fait. Pourquoi faire le voyou, mon sang t'est gavé. Raser la barbe, changer les rescates. J'fais fort ma mère parce qu'elle me manque. Changer de cap, m'envoler vers les steaks. Tu quittages bien vers vie si elle me manque. Y'a pas de jour pour mourir, y'a pas d'âge pour pleurer. J'croyais qu'avec des bandes dans le navire, la plupart ils m'ont écœuré. Y'a pas de jour pour mourir, y'a pas d'âge pour pleurer. J'croyais qu'avec des bandes dans le navire, la plupart ils m'ont écœuré. Raser la barbe, changer les rescates. J'fais fort ma mère parce qu'elle me manque. Changer de cap, m'envoler vers les steaks. Parce qu'elle me maille, il rôde la caille. A la base j'ai pas fait ça pour mailler ni pour graille. Tu dans le voyou, mais fois j'ai failli me noyer. Dans l'alcool, quand la vie elle m'a foudroyé. Un truc sur la moto, j'm'arrête pour la photo. Narmi, on barre comme des fantômes. Quand toi tu fais dodo la nuit. J'trop donné, on m'a pas rendu. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, j'dois faire ma vie. J'entends rien déjà, même pas bonjour. J'aurai pas d'avis, avis c'est d'or et platine. Tu connais sponsor l'OM. Un album pour l'été, un album pour Noël. J'ai rasé la barbe, changé les rescates. J'fais fort ma mère parce qu'elle me manque. Changé de cap, m'envoler vers les steaks. Tu quittages bien vers vie si elle me manque. Y'a pas de jour pour mourir, y'a pas d'âge pour.